les amis. Salut, salut Charlie. Oh, wow. Eh ouais, mais qu'est-ce qu'il a là-haut? Il est content depuis ce matin. Ah oui, je suis content. Mais quoi que, non mais que Hollande, il a rencontré Fidel Castro. Non non, c'est une autre île qui l'obnubile. Ah bon? Mais quoi ça? Devine Charlie. Ouais. Ça va, stop stop, l'île de Ré. Non, ah, c'est pas un Ré, ah, c'est un La. Oh là là, oh, arrête avec ça, je sais pas moi, donne un autre indice. Boum. Hein? Bah boum. Ah oui. Bah, la Corse. Bah oui, on se fait émouvoir. Ah, oui, évidemment, bah super. Ah, génial. Non, c'est bon. Stop, stop, ça va, ça va, mais ça quoi va. Oh non, mais arrête, mais t'es le Beethoven de la chanson, ma parole. Pourquoi tu dis ça? Parce qu'apparemment t'es sourd, hein, t'entends pas que c'est faux. Mais c'est faux, c'est insupportable. Non, mais les Corses, ils détestent quand on chante pas de leur chanson, hein. Mais ils le vivent comme un affront. Mais c'est un hommage. Non, non, non, ce sera pas du tout compris comme ça. Hein. Et puis les Corses, quand ils se sentent offensés, bah, je vais te dire ce qu'ils font. Bah, ils, quoi ils font... Hein? Non, tu crois que je suis menacé parce bah, qu'ils vont pas me. Pas le premier. Hein. Ah non, non, non, non, non, moi je faisais pas. Attends, attends, attends, Mike Brandt, c'est un coup des Corses. Mais non, non, non, non, non, ah, pas Mike Brandt. Il avait mal repris un tube de Tino Rossi, paf, poussé par la fenêtre. Ah non, non, non, d'accord, alors j'arrête les polyphonies, d'accord. Ok, ok. C'est plus ça. Oh non, je vais chanter des trucs moins risqués. Par exemple, Belle, c'est un mot qu'on dirait. Non, non, non, non, mais t'es dingue ou quoi? Mais quoi? C'est du Patrick Fiori, là, c'est bon. Il est Corse aussi. Il est Corse, Patrick Fiori. Putain, ils sont balèzes en terrorisme. Bonjour la France Inter et bonjour l'île de beauté Inter. Bonjour. Vous écoutez l'émission qui roule l'actualité dans la farine. Et voici les trois informations qui vont y passer jusqu'à 18h. Mais si, il y a au moins un truc de bien dans la réforme du collège. Enfin, regardez la réserve citoyenne avec des bénévoles qui viennent partager leur savoir devant les classes. Des réservistes sur un modèle inspiré par l'armée. Le gendarme, c'est l'ordre. L'ordre, c'est toujours impopulaire. Voilà, garde à vous. L'Euro 2016 de foot organisé en France sera relativement démocratique. Avec des places à 25 euros, c'est en famille que vous pourrez aller voir des types qui sont payés pour courir après un ballon. Ah, le foot, le foot, le foot, le foot, le foot. Dans le meilleur orchestre du monde, les 128 musiciens votent pour choisir leur directeur musical. Le Philharmonique de Berlin n'arrive pas à se mettre d'accord, mais c'est un désaccord démocratique. Ben moi, je m'en vais. Voilà, vous avez gagné la fève. Non, je suis désolé, je vois pas d'autre solution. Mais calmez-vous parce que ça va mal se mettre, hein. Et pour pétrir la pâte de l'actualité, je suis accompagné d'Alex Vizorek. Mais je suis un excellent pâtissier. Bonjour Charline, et aujourd'hui autour de la table, mais que du talent. À 17h20, celle qui explique la science comme personne. Et pour éviter qu'une réforme ne diminue ses heures de prestation, elle enseigne à la radio pour tous les cancres que nous sommes. Bonjour Nicole Ferroni. Bonjour Monsieur Vizorek. De quoi on va parler? De Zizimou comme, comme solution pour la planète. Très, très bien, là c'est un teasing, je peux pas faire beaucoup mieux. À 17h30, lui, c'est le contre-exemple de toutes les réformes de l'enseignement. Il n'a jamais suivi un seul cours de journalisme et pourtant c'est le meilleur reporter de sa génération, peut-être d'ailleurs parce qu'il n'a jamais touché un syllabus de déontologie. Bonjour Guillaume Meurice. Bonjour Alex, bonjour Charline. Alors moi je suis allé ce matin à Puteaux où l'élection municipale a été invalidée hier par le Conseil d'État. Un camouflé de plus pour la maire Joëlle Secaldi-Reno qui enchaîne les scandales, mais pourtant réélu à chaque élection. J'ai interrogé les citoyens. On m'a dit d'aller voter, je vais voter, c'est tout. Moi, je m'occupe pas de la politique. Voilà. Les gens qui votent sans s'occuper de politique, ceci expliquant cela. Oui, vous êtes bon. Et à 17h40, quand j'étais au collège pour le cours de littérature, j'aurais rêvé l'avoir comme maîtresse. Aujourd'hui, on me voit pas arriver. Non. Je ne suis plus étudiant et pourtant, j'aimerais encore l'avoir comme maîtresse. Bonjour Clara Dupont-Meneau. Bonjour Alex. De quoi va-t-on parler? Alors, la Russie a fêté les 70 ans de la victoire sur l'Allemagne nazie. Et bien, la littérature, elle fête la parole des rescapés de la barbarie. Ah, on va bien rigoler. Voilà. Oui, et devenez notre ami imaginaire sur Facebook et venez admirer l'agilité de Vizorek avec sa perche à selfie. Chaque jour dans cette émission, nous sommes accompagnés d'un invité de référence qui vient relever le niveau de l'émission, bien sûr, un référent de la République. Votre groupe est né sous Mitterrand. Vous subissez une interdiction temporaire de concert en Corse en 84 quand à 16 ans, Céline Dion chante devant le pape, alors que ça aurait quand même dû être interdit. Vous donnez votre premier concert à Bercy en 96, l'année où les frères Jacques célèbrent leur jubilé au Casino de Paris. Vous recevez votre première victoire de la musique en 97 quand Ricky Martin chante Un, dos, tres, Maria, le refrain le plus travaillé de l'histoire. Vous êtes, je vous laisse nous le dire. Jean-François Bernardini di Mouvrini. Oui. Bienvenue sur France Inter. Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Jean-François Bernardini, avec Imouvrini, vous sortez un nouvel album et vous partez en tournée. Ce nouvel album s'appelle Invicta, qui vient donc d'Invictus, le poème qui a guidé la vie de Nelson Mandela, où il est question de l'âme, et l'âme, c'est vraiment le mot-clé de ce nouvel album. Excusez-moi, j'étais encore en phase de récupération après le choc musical du début. Désolé de vous avoir donné une leçon comme ça, je m'excuse, vraiment ça se fait pas. Combien d'années il faut pour qu'il y arrive ? Non, au début, je me suis un peu défaussé, à l'intérieur, je me suis dit c'est des chants tibétains, donc j'avais mon excuse. Ça faisait appel à la prière. Et là, vous avez insisté. Bon, avec la conférence de rédaction, qui fut. Oui, alors. Oui, c'est pas tout. Il est pas au point. Il est pas prêt de rentrer dans Imouvrini. Non, c'est pas mal. Au niveau, d'abord, la polyphonie, c'est un exercice respiratoire. Au niveau respiratoire, il a déjà le potentiel. Oui, il respire beaucoup. Ouais. Ouais, faut il travailler, quoi. Non, mais attendez, ne l'encouragez pas, s'il vous plaît. Non. Donc l'âme dans Invicta, cet album. Et Alors l'âme, c'est pas la chanteuse, hein, précisez quand même, non, parce oui, que les gens vrai. Vont pas l'acheter sinon. Voilà. C'est pas avec l'âme. Aucun duo avec l'âme. C'est l'âme. Pas mais oui. Voilà. Et ce poème Invictus qui a, je disais, guidé la vie de Mandela, qui dit capitaine de nos âmes, hein, et l'idée est de nourrir les âmes avec cet album. Et en l'écoutant, je trouve que vraiment c'est pas un vain mot. Sans flagornerie, Jean-François Bernardini, eh bien un titre comme Oisma m'a donné des frissons. Peut-être est-il utile de raconter l'histoire de cette chanson. Ouais, c'est à la fois une histoire tragique et merveilleuse, parce que c'est vraiment l'homme nous montre de quoi il est capable quand il dépasse son cerveau reptilien, quoi, et qu'il va au deuxième et au troisième. Cette histoire s'est déroulée en Cisjordanie, dans la ville de Jenin, où un petit Mohamed de 11 ans a été tué par l'armée israélienne. Les médecins israéliens ont tout fait pour le sauver, ils l'ont transporté dans un hôpital. Malheureusement, ils n'ont pas pu. Le père a été donc, la famille était là. Le père s'appelle Ismaël Ratib. Mm-hmm. Et cette chanson lui est dédiée, ouais, non ? Il y avait ce jour-là un infirmier israélien qui s'appelle Raymond Chehadé, qui a eu cette force, cette confiance incroyable de lui dire, voilà, votre fils, on ne peut plus rien pour lui, mais par contre, il y a dans cet hôpital des enfants qui souffrent et votre fils pourrait sauver d'autres vies. Et lui demande, mais vous voulez le cœur aussi? Et au final, la famille donnera 5 organes et le petit Mohamed sauve 5 vies. Mais 5 vies, pas n'importe lesquelles, 5 vies de l'autre côté. De l'autre côté. Et donc, ça a été l'objet d'un film merveilleux qui s'appelle... 5 vies du territoire qui est ennemi pour voilà, eux, c'est du ça, territoire hein ennemi. Mm-hmm. Et donc, ça veut dire qu'il a vraiment dépassé, il est monté sur la colline. Lui, c'est l'exemple d'une âme invicta, par exemple. Voyez. Mm-hmm. Et donc, ça a été l'objet d'un film qui s'appelle Heart of Jenin, le cœur de Jenin. Et c'est en voyant ce film, il y a plus d'un an, que ça nous a inspiré cette chanson. Parce que je crois que c'est vraiment l'exemple, ça nous inspire, quoi, de montrer. Il y a un passage dans la chanson qui dit « Derrière chaque frontière et de chaque côté, je les connais, ces frères qui font ressusciter, ils font le premier pas et gagnent quelquefois. » Et dans cette chanson, il y a tout un réseau d'intelligence. L'infirmier, le père, Ismaël, donc en Corse, on réduit le prénom quand on l'appelle Oisma. Ismaël devient Oisma. Il y a les polyphonies hébraïques de Strasbourg qui chantent avec nous, qui ont validé ce texte, qui ont dit on veut partager cette aventure de musicale avec vous. Et je crois que c'est un signe. Et d'ailleurs, je dois vous dire, pour l'avoir interprété quelques fois en public, que je n'ai jamais vu un public aussi ému à la fin d'une chanson. Donc ça nous touche énormément, parce que je crois que c'est une victoire humaine sur le pire, sur ce que le monde nous offre chaque jour, quoi. Et c'est une très belle chanson, parmi toutes les autres, évidemment, de l'album d'Imouvrini, Invicta. Vous faites partie de ceux pour lesquels l'esprit du 11 janvier n'est pas vain. On va avoir l'occasion d'en parler avec les sujets qu'on va traiter, notamment l'enseignement, parce que vous allez dans les écoles. Et alors, le mieux, c'est sans doute de vous écouter, Imouvrini. On est ensemble jusqu'à 18h. Vous avez à côté de vous, évidemment, Guillaume Meurice. Oui, voilà. Merveilleux. Et oui, vous reconnaissez le titre, évidemment. Bien sûr, c'est Tu Omae, toi mec, pas comprendre ce qui nous arrive sur la planète, quoi. Ah, oui. Et il serait temps que tu changes un peu de cap, parce que c'est plus une hypothèse, quoi. Le réchauffement climatique, c'est une vraie réalité, quoi. Et toi, c'est Imouvrini. Jusqu'à 18h, Invicta, c'est le nouvel album. Pegui qua te li passa, a fumo nero guarda, di chi colore serra, pulindo mano con pa, pulindo mano con ma. Ogni stagione mi scrive, allora viento la lio, accanto alla mia fontana, ben accina si vagiona, se me vemo ragio, a quando sì, quando no, a quando sì, quando no. Da quindi vedo a stretta chi parte per sa pianeta e sento correre la saeta appesa le vostre vole ne marte. luna né sole, ma non sanno la bronca. E a mare so paesa, all'aria burra mi piace sta. Tu a mare mi cadavi, c'ho chi adara ci venia di. E non so perché l'acqua linda piace a me. Tu a mare mi casa be, c'ho chi l'umane aspetta te. Una pace a decidite di te, c'è da mangia per un re, a decidite si può, fa meglio che Monsanto, fa meglio che Monsanto. Ti prego vede fortuna, circa un po' sua luna, a correccia la casa comuna, a chi ti vende progresso, danari gioia e successo, intanto corre lo regresso. E a mare so paesa, all'aria burra mi piace sta. Tu o mai mi cadavi, c'ho chi adara ci venne a di. E non so perché l'acqua linda piace a me. Tu o mai mi casa be, c'ho chi l'umane aspetta te. Tu o mai i muvrini. Jean-François, je vous appelle Jean-François, ça y est. Ben oui, ben oui, mais... C'est genre, on va s'appeler comme ça. Moi, j'ai compris Monsanto. Oui. Ah, on peut mieux j'ai compris faire... un mot dans la chanson, je comprends un mot de Corse. C'est un, ouais, c'est un, la chanson dit à un moment donné, avec 10 doigts, on peut faire mieux que Monsanto. Avec tes 10 doigts, ouais. Tu peux bien faire bien mieux que Monsanto. Et on peut aussi surtout étrangler les gens qui travaillent à Monsanto. Ça, c'est pratique. On n'ira pas jusque là. Non, non, non. Jean-François Bernardini di Muvrini, il est. Non, non, il lutte pour la paix. Il est quoi? Ah oui, pardon. Ah oui, il milite contre la non-violence. D'accord. Il est pour la non-violence. Mais oui, mais s'il meurt, on fera du compost avec. Ça, c'est écolo. Pourquoi pas? C'est une idée. Moi, je suis pragmatique, c'est pour ça. Vous êtes bien tombé, Jean-François. Ça a la chance d'être clair. C'est déjà dit, c'est annoncé. Il annonce ta couleur. Donc, tout ce qui est polyphonie et paix, il est nul. Ne lui parlez pas. Ce sera Guillaume Meurice. Ce sera dans un quart d'heure. Nous sommes en compagnie de Nicole Ferroni et de Clara Dupont-Mono. Et puis nous, on a feuilleté la presse et nous, on est plutôt Polisson Records. Charline Vanhoenacker, que je salue. Alex Vizorek. C'est quoi cette histoire? C'est l'info au kilo. Ah, il y en a un peu plus, je vous le mets. Et on commence par l'international. Oui, parce que pendant que François Hollande se la coule douce en happy hour à Cuba, on va dire, mais pourquoi happy hour? Parce que pour le prix d'un Castro, il a pu en rencontrer deux. Et là, vous avez envie de me demander, mais que fait donc Laurent Fabius? Mais oui. Alex, que fait donc Laurent Fabius? Excellente question, Charline. Je ne cache pas que je m'y étais un peu préparé. Eh bien, Laurent Fabius fait partie des nombreux seconds couteaux ayant assisté au défilé militaire de la Russie pour célébrer le 70e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre. 70e. Et oui, c'est la Belgique, 70e, vous avez compris, vous avez trouvé. Avec des Belges. Et de la Seconde Guerre mondiale, pardon. Oui. Oui. Et d'ailleurs, Poutine a fait un discours, mais qu'est-ce qu'il a dit alors? Eh bien, une fois de plus, je m'attendais à cette question. Oui. Écoutez ce qu'il a dit. Mes chers amis alliés, comme peu d'entre vous ont daigné venir fêter avec moi, vous avez préféré envoyer comme représentant votre bonne Philippine plutôt que de venir vous-même. Admirez la grandeur de Poutine. Je tiens juste à vous dire que si aujourd'hui vous ne parlez pas tous autrichien et qu'Angela Merkel n'a pas de moustache, c'est en grande partie grâce à nous. Alors je vous préviens, le premier qui remet un orteil en Crimée pour me faire la morale, je vous annonce qu'il va être très mal reçu. Voilà, sinon, tant que vous me foutez la paix, tout ira bien. Passons à la politique nationale. Oui, c'est cela. J'ai des notions de russe, ça c'est le coup de bol évidemment. Sinon, tout le monde ne peut pas faire ça. Sur les autres radios, ils ne l'ont pas fait. Les Balkany doivent faire face à un nouveau front judiciaire. Ça fait mal, ça. Ils sont pas corses, Balkany. C'est pas un I plutôt qu'un Y? Apparemment, non. Non, non, non. C'est les hautes. À une lettre près. Mettons les points sur les i. C'est les Hauts-de-Seine et la Haute Autorité pour la Transparence a alerté le procureur de la République. C'est une info qui date de cet après-midi. Hein, oui. Oui, la Haute Autorité pour la République qui a un doute sérieux quant à l'exactitude et la sincérité des déclarations de patrimoine des Balkany. Une réaction peut-être, oui. Vous savez, quand on n'a rien à se reprocher, on se sent bien. Autant pour moi, désolé, alors on va plutôt passer à Sarkozy, un autre lit. Oui, Sarkozy qui, lors d'une réunion publique qui s'est tenue hier soir, a torpillé la réforme du collège tout en disant « Je relisais ce magnifique livre de Victor Hugo, 1793, l'école fut la première décision dans la République ». Rappelons que le roman de Victor Hugo s'intitule « 93 ». Oui, enfin même moi j'aurais pu faire l'erreur, Alex, vous savez, parce que quand j'étais à l'école, on m'a fait lire la version belge du roman de Victor Hugo. C'est 93. C'est pas moi qui vais vous jeter la pierre. Et d'ailleurs, il a même, cette phrase a été tweetée. Et l'erreur était donc dans le tweet aussi. Et donc est né un hashtag tweet comme Sarko. Et les gens ont repris, c'était très drôle. Nous avons par exemple tweet comme Sarko. Je relisais ce magnifique livre de Michel Houellebecq, Les particules alimentaires. Tweet comme Sarko. Je relisais ce magnifique livre d'Alexandre Dumas, Le comte de Monte Carlo. Et j'en ai fait moi-même un. Tweet comme Sarko et Charline Van Hoenacker. Je relis ce magnifique livre de Victor Hugo paru aux éditions Brochet. Oui, c'est une ceux qui s'en joke. Souviennent. Oh, pas si private que ça, non, ma pauvre vrai. Amie. J'ai cru un moment qu'il existait des étudiants brochés, alors que brochés signifie que le livre est relié. Voilà, cinéma. Cinéma, on se souvient que Plus belle la vie avait attaqué honteusement la ville de Charleville-Mézières. Oui, eh bien, l'acharnement sur les villes du Nord continue. Catherine Deneuve a dit de Dunkerque, ce n'est que tristesse, alcool et cigarettes. Les pauvres, si vous nous écoutez, arrêtez de demander aux riches de vous apprécier. Ils ne vous aiment pas, il faut vous faire une raison. Je veux dire, quant à Catherine Deneuve, heureusement qu'elle a fréquenté Saint-Germain-des-Prés, parce que sinon elle n'aurait pas rencontré les grands artistes qui l'ont mise en valeur, parce que seule à Dunkerque, c'est pas avec sa créativité que ça l'aurait dépanné. Vous êtes un peu dur avec Catherine Deneuve. Oui, c'est ma façon de soutenir Nabila. Allez, on est ensemble jusqu'à 18h et on défrise l'actualité avec Jean-François Bernardini du groupe Imouvrini qui sort son nouvel album Invicta et qui part en tournée évidemment. Alors il y aura notamment en décembre 2015, il y aura Bordeaux, Perpignan, Marseille. Alors vous êtes en 2016, vous avez du boulot. Hein. Je vous signale par exemple que vous êtes à Quimper en janvier 2016, le 28 janvier, le 28. Est-ce qu'il n'y a pas un autre tweet ? Ah oui, le 18 mars 2016 à Lyon. Et cet été à travers toute la Corse ? Ah ! Au festival de chants de marins à Paimpol, en Suisse et ailleurs. Et voilà, parce que Paimpol est en Corse, comme tout le monde le sait. Comme tout le voilà. Et on va parler du premier sujet avec vous, un sujet qui vous touche particulièrement. D'abord, en cherchant bien, il y a bien un point de la réforme du collège sur lequel la France ne se déchire pas. Enfin, ou presque pas. C'est la réserve citoyenne qui est lancée aujourd'hui. Vous et moi, bénévoles, on peut aller donner un coup de pouce aux écoles pour promouvoir les valeurs républicaines. Voici un aperçu de l'expérience pilote. Une société, c'est comme une famille. Il y a des règles à respecter. Si l'on jette ses chaussettes ou ses slips par terre, qui les ramasse ? C'est maman. Si l'on mange des biscottes dans le canapé, qui ramasse les miettes ? C'est encore maman. Eh bien ça, non, ça n'est plus possible. Alors, ça veut dire quoi, on tanque ? Qu'est-ce qu'on a bien voulu dire par on tanque ? Il y a des mots qu'il ne faut pas dire, qu'il ne faut pas prononcer et encore moins écrire. Un seul mur est souillé, c'est toute la République entière qui est touchée. Non, monsieur le proviseur n'est pas un enculé. Non, monsieur le proviseur n'est pas un enculé. Et nous sommes avec un chantre de la non-violence, Jean-François Bernardini. Donc, cette réserve citoyenne sur le modèle de l'armée, finalement, une réserve de citoyens bénévoles qui vont dans les écoles. J'imagine que vous voyez d'un bon œil cette institutionnalisation de ce que vous faites depuis longtemps. D'ailleurs, vous étiez hier en Seine-Saint-Denis, expliquez-nous. Oui, il y a 5 ans avec la Fondation Humani qui est partagée aujourd'hui et qui est soutenue par 4000 Européens. Et qui part de Corse. On a lancé plusieurs programmes, c'était il y a 12 ans, mais il y a 5 ans, nous avons initié un programme qui s'appelle « Devenons artisans de la non-violence ». En imaginant qu'effectivement, nous sommes dans un monde de plus en plus toxique, de plus en plus contaminé par des comportements, par des gestes. On reçoit tous les jours des raclées de vulgarité, de méfiance, de mépris, d'irrespect, etc. Et que les plus jeunes, bien évidemment, dès l'âge de 3 ans, ils sont bombardés par des pubs. On a bien compris aujourd'hui que dans le monde, bien pour passer les pubs, on passe de la violence avant et on explique, les neurosciences expliquent que, que le cerveau est beaucoup plus réceptif aux messages de la publicité. Et donc, on a lancé ce programme inattendu, venant de Corse, bien évidemment. C'est le canal inattendu, voyez-vous ça. C'est le canal inattendu. Et alors, qu'est-ce que vous faites concrètement quand vous êtes devant les élèves? Concrètement, aujourd'hui, on a initié en Corse et ailleurs, à Marseille, à Valence et à Saint-Denis, un programme... C'est des villes choisies au hasard? Peut-être pas que ça, mais c'est pas anodin que les demandes viennent souvent des villes où il y a peut-être un peu plus qu'ailleurs souffrance. La non-violence, c'est simplement aller dire que finalement, d'abord, premier principe, je ne touche pas à l'intégrité et à la vie de l'autre parce que c'est sacré. Et deuxièmement, face à l'injustice, face à ce qui m'indigne, je choisis un autre moyen que celui de la violence. Et tout commence à partir de là. Et donc, quand vous allez dans... Hier, j'étais à Saint-Denis, rencontré deux classes, de seconde et de première. Et c'est assez d'abord... La non-violence, c'est d'abord écouter la souffrance, écouter ce qui se passe, rencontrer les gens. Le premier besoin que nous avons, c'est le lien, c'est l'appartenance, c'est la parole. Ça ne se fait pas par téléchargement, mais ça se fait par une parole vivante. Mmh. Et quand vous allez dans ces classes, ce qui est frappant, c'est de voir à la fois le Moussa, le Mamadou... Si c'est frappant, c'est loupé pour la non-violence. Attention, il est vigilant. Cédric, et voir la soif, la famine qui existe, à la fois d'avoir en face de soi des adultes qui interprètent le monde, qui lisent. Hier, par exemple, j'ai été confronté à un moment où un élève a dit, on a parlé de Charlie, parce que la non-violence, elle est bien évidemment beaucoup plus interrogée depuis les événements de janvier. Et c'est une occasion de se poser comme question, d'où vient toute cette souffrance d'ailleurs ? Cette colère. Et un élève a donc dit, moi, Charlie, ils l'ont bien fait, c'est bien fait, ils l'ont bien cherché, et c'est bien fait pour eux. Et voilà une question qui nous interpelle tous. Combien d'enseignants, combien de parents ont été confrontés à cette question-là? Et qu'est-ce que vous répondez dans ces cas-là, alors? Eh bien, la non-violence, elle nous donne une boussole. Alors, je lui ai dit, j'écoute ta souffrance, j'écoute ta colère, parce que si tu le dis, je te crois profondément sincère. Et j'accueille sans juger ce que tu dis. Mais par contre, je voulais te poser une question. Mais maintenant, écoute-moi bien, espèce de petit con. Tu vas bien te calmer tout de suite. Ça aurait pu être ça. Mais ce n'est pas ça. Et quelle est l'alternative, alors? Alors, je lui ai dit, imagine que dans le groupe des 17 victimes, il y a eu la personne que tu aimais le plus au monde. Ton frère, ta mère, ton père, ton amoureuse, etc. Aurais-tu préféré qu'il fût dans le rôle du tueur ou dans le rôle de la victime? Et là, immédiatement, il se passe quelque chose. C'est ce qu'on appelle en non-violence un pas de côté. C'est-à-dire que vous changez la question, c'est pas pour ou contre, c'est pas noir ou blanc. Et là déjà dans la classe, il y a des doigts qui se lèvent. Moi, Jean-François, j'aurais préféré qu'il soit dans le rôle de la victime. Moi non. Et je lui explique, et tout le monde comprend très très vite que ne pas être dans le rôle du tueur, c'est beaucoup plus noble. C'est beaucoup plus grand, c'est beaucoup plus digne, c'est beaucoup plus défendable. Donc vous leur expliquez très simplement que je peux me sentir humilié, je peux me sentir méprisé, mais il y a un cadre, il y a le non négociable. Mmh. Le meurtre, c'est pas négociable. On ne peut pas comparer quelqu'un qui dessine avec quelqu'un qui prend une Kalachnikov. Eh bien, je peux vous dire que quand vous donnez cet outil-là, ce GPS, cette boussole-là, avec laquelle la non-violence nous aide énormément, mais vous changez les comportements, vous changez les relations. Et c'est là donc où... Et on devient capitaine de son âme, comme dans Invictus, le poème qui a inspiré toute la vie de Mandela. Eh bien, si j'en crois les textos que j'ai reçus depuis hier, je peux vous dire que ça ne laisse pas indifférent. Et pour tout ça, il faut du temps. Et alors, on va vous donner quand même l'adresse. C'est lareservecitoyenne.org. Si vous avez un petit peu de temps à consacrer pour faire partager votre expérience et défendre les valeurs de la République, lareservecitoyenne.org, parce qu'on tire souvent sur le gouvernement, pour une fois qu'on peut donner un coup de pouce pour une mesure. Aller faire ce qu'ils ne font pas eux-mêmes. Oui, moi, je fais un atelier pour les nœuds coulants, pour pendre des gens du MEDEF, si ça intéresse. Ce qui me semble important, c'est que justement, c'est une société entière qui éduque. C'est pas uniquement un enseignant. Il est très difficile de demander à l'école de faire le paradis dans une société infernale, dans une société intoxiquée, contaminée au quotidien, par écran, etc., par l'exemple que donnent les adultes très souvent. Donc je crois que le fait que ce soit une société qui éduque, moi je viens d'un village, je crois que grandir dans le monde rural, c'est justement comprendre que je vais mieux quand tout le monde va mieux. C'est vrai, quand la communauté éduque... En ville aussi, c'est jouable. En ville aussi. Et oui. En ville aussi, bien évidemment. Voilà, pour le contrebalancer. Ça balance aussi avec Nicole Ferroni, du côté de la science, à cette heure-ci. Moi, justement, je voulais un petit peu rebondir sur les propos de notre invité. C'est vrai que moi aussi, j'ai beaucoup de mal avec la violence et j'ai beaucoup de mal aussi avec, en politique, là, cette culture à chaque fois du rester ferme, du racuire, la rigueur, la solidité, rigidité. Parce que j'ai l'impression qu'en politique, un petit peu comme pour les zizi ou les kikettes, c'est-à-dire qu'on on ne voit l'efficacité que dans la rigidité, la fermeté et l'aspect dur de la chose et jamais dans sa mollesse. Alors que non, comme nous l'apprend l'étude publiée cette semaine par l'Institut Cochin de l'INSERM, c'est bientôt au phallus mou qu'on devra aussi dire merci de nous débarrasser du paludisme, puisque comme le précise l'article, le paludisme pourrait bientôt avoir trouvé un remède efficace dans la molécule du Viagra, ce médicament prescrit normalement en cas de trouble érectile. Alors pour comprendre pourquoi le Viagra peut être utile contre le palu, il faut déjà comprendre comment il agit sur le phallus. donc contrairement aux hommes, contrairement aux femmes, et ben les hommes donc sont munis dans, bien sûr, dans la majorité des cas d'un pénis. Ce pénis est muni dans sa plus grosse partie d'une zone spongieuse appelée corps caverneux. Caverneux parce que justement le fait d'avoir un zizi rend souvent l'homme plus caverneux que la femme, plus grotte chauvée, c'est-à-dire un peu pris historique, plus cro-magnon, alors que la femme, elle, est naturellement plus raffinée, donc moins caverneuse. Non, en fait, dans caverneux, ça vient du fait que dans cette partie du pénis, il y a beaucoup de petites cavités, cavernes, et ce sont ces petites cavités qui, au moment de l'érection, se remplissent de sang, se gonflent, et donc provoquent la tension de la verge et retient la tension de la partenaire. Alors, bien sûr, le remplissage de ces petites cavités ne se fait pas de façon intempestive, hein, les hommes ne bandent pas comme ça sans raison, enfin, pas tous, en tout cas. Et en fait, lorsque l'homme est en proie à une stimulation sexuelle cérébrale, le cerveau ordonne au niveau du sexe de la libération de monoxyde d'azote, de formule NO, même si nous on aurait plutôt tendance à appeler si. Et ce NO va stimuler la libération au niveau du sexe de petites molécules appelées GMP cycliques qui vont dilater entre guillemets les vaisseaux sanguins qui irriguent le sexe, et comme un petit peu si elles ouvraient finalement les vannes en quelque sorte, et du coup le sexe va s'engorger de sang, enfin, ou pour d'autres s'engorger de sang, se mettre en érection. Après l'acte sexuel, pour que le sang contenu dans le sexe au moment de l'érection puisse regagner le cerveau et que du coup les hommes retrouvent un peu de leur intelligence, ces petites molécules ouvreuses de vannes rigidifiantes, les GMPC, sont détruites par des enzymes nommées phosphodiestérases qui contribuent donc à redonner au sexe ce caractère mou. Le problème, c'est que chez certains hommes, ces phosphodiestérases sont trop efficaces et du coup elles anéantissent les GMPC ouvreuses de vannes, d'où le fait que le sexe reste mou. Et c'est là précisément qu'agit le Viagra, en stoppant ces phosphodiestérases, c'est-à-dire un petit peu la même façon que au Mali les casques bleus empêchent les rebelles de tuer les civils, et ben le Viagra, la pilule bleue, empêche les phosphodiestérases de tuer ces GMP cycliques. Donc en fait le Viagra, c'est un petit peu le casque bleu du zizi. Alors vous allez me dire, mais quel rapport avec le paludisme? Et ben tout simplement parce que en faisant ingérer du Viagra à des moustiques à forte dose, cela peut provoquer chez eux de fortes érections, et du coup gênés par le poids de leur sexe, ces moustiques ne pourront plus se poser sur la peau des hommes pour les... Non, c'est pas du tout ça, c'est pas vrai, c'est pas si vous m'écoutiez. Non, c'est que, et ben, dans le cas du paludisme, le parasite en fait responsable de la maladie se loge dans les globules rouges. Sauf que d'ordinaire, dès qu'un globule rouge a une anomalie, la rate filtre ce globule rouge, la rate le détruit. Un petit peu comme les douaniers à la frontière italienne, dès qu'ils voient un faux sac Vuitton, hop, ils l'arrêtent et le détruisent. Sauf que pour le paludisme, on remarque en fait que les globules rouges infectés, eh ben, échappent à ce contrôle de la rate parce qu'ils sont mous. Pourquoi ? Parce qu'il se passe la même chose dans le globule rouge que dans le zizi, c'est-à-dire que le globule rouge qui est infecté a trop de phosphodiestérases qui détruisent les petites molécules rigidifiantes. Donc en donnant du Viagra à ces globules, on pourra stopper la phosphodiestérase et donc les globules rouges pourront retrouver une rigidité qui fait que la rate ne les ratera pas. Ils seront donc détruits, et ce qui permettra bien sûr d'empêcher le paludisme de se propager. Donc j'aimerais du coup qu'on arrête d'appeler les impuissants des impuissants, car grâce à leur Viagra stoppeur de palud, pardonnez-moi l'expression, mais moi l'idée d'une planète sans paludisme, je trouve ça bandant. Merci Nicole. Merci. Ferroni. Avec élégance en plus. Eh oui, on vous laisse reprendre votre souffle. Initial NF. Nicole Ferroni, initiale Bibi. Une nuit que j'étais à me morfondre dans quelques pubs anglais du cœur de Londres, parcourant l'amour monstre de Wells, me vint une vision dans l'eau de Sels. Que des médailles d'impérateurs font briller à sa taille le bronze et l'or. Le platine lui grave d'un cercle froid la marque des esclaves à chaque doigt. jusque en haut des cuisses. Elle est beauté, et c'est comme un calice à sa beauté. Elle ne porte rien d'autre qu'un peu d'essence de guerlain dans les cheveux. Clochette d'argent de ses paniers, achetant ses grelots, elle avança et prononça ce mot. Serge Gainsbourg, Initials BB, vous êtes sur France Inter, il est 17h39 à Paris et à Bastia avec Jean-François Bernardini. C'est le top horaire à Bastia. On vous salue toute la Corse. On nous écoute là-bas, Jean-François Bernardini. Bah, bien évidemment, bien sûr. Non, mais ça nous fait super plaisir, parce que nous, comme on est belge, on vient d'en haut, ça nous fait plaisir que tout en bas. Ah, vous imaginez que ça s'arrêtait à Marseille? Non, c'est pas comme le nuage de Tchernobyl qui s'arrêtait à la frontière tout de même. N'est-ce pas, Guillaume Meurice? Oui. Là, c'est vos sujets de prédilection, mais aujourd'hui, c'est autre chose. Oui, ben oui, figurez-vous que notre ami Samir Bouadi nous a parlé de putatif ici même il y a quelques jours, en précisant qu'il ne s'agissait pas de prostituées à cheveux. Vous vous rappelez ça? Donc, vous reprenez les fins de collègues. Oui, parce que je vais vous parler des putéoliens et des putéoliennes qui ne sont pas non plus des prostituées à énergie renouvelable, figurez-vous. Eh bien non, puisqu'il s'agit des habitants et des habitantes de Puteaux, charmante bourgade des Hauts-de-Seine, dans l'ouest parisien. Le Far West, même si l'on en croit les opposants à la non moins charmante maire de Puteaux, Joël Secaldi-Reynaud, régulièrement accusé de corruption, de verser des pots de vin, d'organiser des fêtes somptuaires. Et bim, qu'est-ce qu'on apprend hier? L'invalidation de son élection pour des magouilles portant sur des listes électorales. C'est quand même pas de bol pour Joël. Alors pourquoi on lui en veut autant à cette pauvre Jojo? J'ai posé la question à un putéolien. Non, je pense pas qu'on lui en veuille, mais je pense qu'on pourrait peut-être faire mieux avec cet argent. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Des crèches. Ouais, mais non, mais ça on s'en fout. C'est plus rigolo de faire des fêtes. Ah, c'est sûr, c'est très rigolo de faire des fêtes. Moi, à 18 ans, c'est vrai que j'en ai presque 50 maintenant. On faisait des fêtes avec les amis, on les était invités à leur champagne. Avec les sous de la mairie? Avec les sous de la mairie? Non, avec les sous des contribuables de Puteaux. Ah ben voilà. Oui, juste. Eh ben voyez, ça c'est mieux que des crèches quand même. Ah, c'est sûr, mais en vieillissant, c'est vrai qu'on se rend compte un petit peu de comment peut-être utiliser l'argent. Et c'est vrai que... vous devenez chiant. Un vieux con, j'en ai peur. Voilà, il devient vieux con, ben oui, voilà. Moi, j'en ai pas peur, j'en suis sûr. Sale gauchiste, là, qui voulait des crèches. Bon, en même temps, il était en survêt comme Fidel Castro, hein, j'aurais dû me méfier. Alors attention, pas d'amalgame non plus. À Puteaux, il y a beaucoup d'électeurs intelligents qui votent pour... Celle qui est là, comme on dit, c'est Caldil. Pourquoi elle vous plaît? Parce qu'elle est petite. Voilà, voilà. Bah oui. Lui, il vote bien, et puis surtout, il vote pour des bonnes raisons. Ça, c'est bien. Mimi Mati, elle sait qu'elle a ses chances à Puteaux désormais. Hein, ça, c'est bien. Poursuivons avec ce même citoyen, parce qu'il me plaisait bien, vous imaginez. Qu'est-ce qu'elle a fait de bien, Joël? On a des bons repas, fait pas mal de choses à Puteaux. Qu'est-ce qu'elle fait, alors? Fait mettre des contraventions, surtout. Ah, ça, c'est une belle chose? Non. Ah. Bon, tu viens t'en PD là? Ah voilà, bah d'accord, on est détendu à Puteaux. On s'appelle PD dans la rue, tranquillou. Alors, le PD, c'est comme ça. Le PD en question, c'était son ami, qui avait pas l'air très content qu'on l'appelle comme ça, mais je suis allé l'interroger quand même. Qu'est-ce qu'il pense de la mère de Puteaux? On n'a pas à s'en plaindre à Puteaux. D'accord, même si elle détourne l'argent de la mairie, on est d'accord, c'est pas grave. Non, ça c'est autre chose. Hein. Ah non, c'est pas grave, on est d'accord. Ah, oh, c'est pas grave, c'est nous qui payons en attendant. Ah bah oui, mais alors, attendez, vous l'aimez plus là d'un coup? Ah non, mais enfin, vous savez, il y a quoi faire un bouquin sur tout ça. Hein. Ah bah, on a l'impression que vous l'aimez plus trop du coup là. Ah non, moi, ça, du moment qu'elle fait son boulot, c'est tout. Mais s'il y a des magouilles et tout ça, alors là, je suis pas d'accord. Vous devenez de gauche, monsieur, j'ai l'impression. Ah, je ne viens pas de gauche, moi. Non, faut pas exagérer avec ça. Ah, plutôt, être de gauche, c'est considéré comme une maladie, hein, je vous le rappelle, au même titre que la pauvreté ou le refus du port du serre-tête et du mocassin à gland. D'ailleurs, à propos de gland, parlons religion. Car Joël Sekaldi Reynaud, elle a également fait repeindre une église. Hein, vous avez suivi ça. Enfin, plus exactement, elle a fait du tuning d'église, hein, si on en croit les couleurs qu'elle a choisies. Rose fluo, bleu lagon, c'est magnifique. Elle a pimpé son église sans rien demander à personne. Belle initiative. Jojo, demandons son avis à une vieille pute, éolienne bien sûr. Elle aime bien Joël parce que elle est très très gentille. Je oui. trouve que c'est beaucoup des personnes âgées et pour moi c'est très important. Elle a même fait repeindre l'église. Vous savez, je suis une femme très pieuse et alors moi je trouve que les églises, ben, on doit les laisser comme elles sont, les peindre de la manière qu'elles étaient et puis c'est tout. Mais ben voilà, on veut faire plaisir aux petites vieilles cathos en mettant du fuchsia dans la nef et voilà comment on est reçu, bravo. Bon, terminons avec l'opposant principal à la mère de Puteaux, Christophe Grébert, un sale bolchevique du Modem qui va se représenter contre elle et que j'ai contacté par téléphone hein, parce que c'est contagieux ces trucs-là. Il reproche entre autres à Joël Sekaldi Reynaud de faire du clientélisme et d'offrir des cadeaux aux petits vieux, comme des aspirateurs par exemple. Donc je lui ai posé la question qui s'impose. Est-ce que vous pouvez vous engager à offrir à chaque petit vieux du peuple de Puteaux un grille-pain ? Alors c'est très difficile parce que je réponds oui, donc je rentre dans le système. Et oui. Et si je réponds non, alors je perds des voix. Ah voilà, vous c'est ça. Vous voyez un ouais. peu le truc ? Eh bien écoutez, je vais vous dire très honnêtement, et c'est ce que je dis aux gens sur les marchés lorsqu'ils m'abordent et lorsqu'ils abordent ce type de questions ou d'interrogations, ne votez pas pour moi pour avoir des cadeaux. Eh ben voilà, il a aucune chance, aucune chance le cri-cri. Lui, il veut redistribuer l'argent équitablement à la population. Quelle idée à la con, je vous jure. Bref, ne comptez pas sur moi pour faire de la publicité pour son blog qui s'appelle monputo.com, dans lequel il vous explique tout sur la situation de sa ville. Non, moi je vais plutôt retourner tapiner pour la réélection de Joël et brasser du vent sur les trottoirs de Puteaux, histoire de devenir un vrai putéolien. Merci Guillaume Meurice. C'est plutôt pas mal. Ah, oh, joli. Jean-François Bernardini est au top. Top horaire 17h45 à Puteaux, à Bastia et à Paris. Et le sujet 2, l'Euro 2016 pour tous. Les organisateurs cassent les prix avec des billets à 25 euros. C'est, paraît-il, démocratique. Sauf si vous habitez la Bretagne ou la Corse. Parce que c'est au plus près, il faudrait aller à Paris ou à Marseille. Ah, il n'y a, ouais, a pas de stade qui accueille l'Euro 2016. Et ouais, ouais. Tout ça, je le rappelle, pour voir des types qui sont payés pour courir après un ballon. Shoot dans la baballe, t'es déjà con, ça peut pas faire de mal. Shoot dans la baballe, fais pas ta fiotte, fais voir que t'as des poils. Un joueur qui parle, sommes-nous au jeu? Voilà, il y avait un projet qui a donc abouti de faire payer cher ceux qui le peuvent pour les grands matchs et permettre de proposer des prix plus accessibles à ceux qui ont moins de moyens. C'est un petit peu les Robins des Bois de l'Euro 2016. Alors je me disais, Jean-François Bernardini, le foot, vous supportez un petit peu Bastia, il y a des belles équipes de foot en Corse. Je supporte à tous les sens du terme. Oui, vous qui êtes le chantre de la non-violence, est-ce que le sentiment d'appartenance, parce que je sais que vous êtes un des tenants de cette théorie des neurosciences qui dit que le sentiment d'appartenance... Et quelque chose auquel on peut se raccrocher et... D'abord, juste un truc, c'est que, bon, moi j'aime bien le foot, j'aime bien y jouer, puis j'aime bien le supporter, je supporte plutôt les Bleus de Bastia, mais je trouve quand même qu'il y a un truc un peu démago dans cette histoire. Quoi. D'abord allez-y, parce que dites-nous. Parce que d'abord, ça ne concerne que les matchs d'ouverture. Oui, les premiers matchs et quelques huitièmes de finale. Pardon. D'accord. Ça veut dire que c'est un peu les miettes, quoi. Et le peuple du foot, je pense qu'il devrait quand même s'intéresser aussi et nous dire aussi ce qu'il pense. J'ai lu quelque part que les ouvriers népalais, par exemple, n'avaient pas le droit au Qatar de rejoindre leur c'est famille vrai. Au Népal pour les funérailles. Suite au tremblement de terre. Et je crois que là aussi, ça fait partie un peu de l'hypocrisie de ce monde, quoi. Et ça me touche beaucoup. Donc, c'est très bien que les instances du foot nous disent aussi, le peuple du foot, dont j'ai le sentiment de faire partie, nous disent aussi ce qu'il pense par rapport à ça. Quoi. Cela dit, si les prix sont réduits jusqu'en huitième de finale, ça permettra aux Français de voir l'équipe de France jusqu'au bout de la compétition. Donc ça, c'est déjà pas mal, quand même. Et autre chose sur le foot, allez-y. Je voulais dire aussi que le premier club foot professionnel en France à introduire aujourd'hui des formations à la non-violence pour ses cadres et pour les milliers de les plusieurs centaines de jeunes qu'ils reçoivent chaque année, c'est l'AS Saint-Étienne. On a un partenariat avec eux, il n'y a pas d'argent, mais ils ont introduit depuis cette année des formations à la non-violence pour leurs cadres et pour leurs jeunes. Et ça, c'est merveilleux et j'avais envie vraiment de leur tirer un coup de chapeau. D'accord. Est-ce qu'il y a aussi une histoire de président de la Ligue qui est un peu en dispute avec les Corses? Oui, oui, c'est vrai que c'est un terrain sensible. Il y a bien sûr le sentiment qu'il y a quelque chose de pas tout à fait juste, mais si on se met à penser le monde en fonction d'un terrain de football, oui, vous avez j'ai l'impression qu'on se perd un peu. Et que cela, il n'empêche que les clubs corses ont le sentiment d'une discrimination. Mais voilà, si cette ferveur-là nous mène aussi à l'insulte, à la véhémence et à s'imaginer qu'il y a en France un racisme anti-corse, là je dis que véritablement on se trompe. Et oui, Jean-François Bernardini est avec nous, c'est un véritable référent de la République. Hein. Vous haussez le niveau de cette émission avec notamment l'aide de Clara Dupont-Mono. Oui, nous sommes connaissés par manque. Clara. Eh bien oui, Charline, puisque l'actualité, c'est aussi l'anniversaire fêté en grande pompe samedi de la victoire de la Russie sur l'Allemagne nazie. C'était il y a 70 ans. Il y avait des défilés spectaculaires dans les rues de Moscou. Il y avait 16 000 militaires. Il y avait des chars, des tanks, de la liesse. Et au milieu de tout ça, il y avait la petite voix des survivants, justement, du régime nazi, qui ont un peu plus de mal à participer à la fête. Alors cette petite voix, elle est portée par la littérature. Cette petite voix de la survie, de la liberté, que vous connaissez bien, elle est portée par la littérature. Et deux d'entre elles se rappellent à nous avec une économie de mots qui contraste un chouïa avec le faste des cérémonies à Moscou. Il y a d'abord un texte très court, au titre sobre, qui s'appelle « Vivre », signé d'Anis Postel-Vinet. Elle était résistante et elle a été déportée à Ravensbrück en 1942, aux côtés de Geneviève de Gaulle et de Germaine Tillon. Et Germaine Tillon, justement, elle aussi, elle fait l'objet d'un livre, d'un roman cette fois, qui est très bien écrit, qui est très bien mené et qui vous laisse le cœur serré et qui s'appelle « Coury » de Dorothée Werner. « Coury », c'était le nom de résistante de Germaine Tillon. Et ces deux textes, ils sont non seulement poignants, vraiment, mais ils sont aussi extrêmement instructifs sur le rejet qu'ont rencontré ces deux rescapés des camps juste après la guerre. Si on prend par exemple Anis Postel-Vinet, elle voit arriver les soldats russes le 30 avril 1945. Bon, ensuite elle est libérée et elle rentre en France. Et là en France, elle découvre que son père et son frère sont toujours vivants et eux aussi, ils ont survécu au camp. Donc elle a sous la main, elle a chez elle, deux expériences similaires. Et pourtant, silence. Impossible de parler avec eux. Impossible, pas un mot. En revanche, elle s'aperçoit que son père, qui vraiment refuse d'échanger avec elle, son père a noté durant toute sa captivité les noms des morts. Et Germaine Tillon a fait la même chose. Elle a noté le nom des morts. Germaine Tillon, elle a même poussé le bouchon plus loin. Je cite Dorothée Werner. Elle a écrit tout ce qu'elle avait vu, su et compris de l'organisation du monde noir. La pensée devait prendre le dessus, coûte que coûte. Seulement, toutes ces informations, c'est un problème, et ben personne n'est prêt à les recevoir. Nous rentrions dans un pays qui était libéré depuis longtemps, qui ne pensait plus à ses prisonniers, écrit Anis Postel-Vinet. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Eh ben elle appelle sa vieille copine Germaine Tillon, et elle se rend compte qu'elle se heurte au même problème. Et Germaine lui dit, viens, on écrit en fait tout ce qu'on sait sur Ravensbrück. Et elles vont le faire. On est en août 1945. Est-ce que vous vous rendez compte de l'esprit précurseur de ces deux femmes quand même? Août 1945. Elles ont écrit un texte, et les éditeurs français refusent de le publier. Et ensuite, lors du procès de Ravensbrück, qui a lieu fin 46, dans la salle, il y a maximum 3 journalistes. Cela n'intéressait personne, ni en Allemagne, ni en France, écrit Anis Postel-Vinet. Apprendre cela fut pour nous extrêmement douloureux. Et d'ailleurs, dans ses écrits, Germaine Tillon parlait, je cite, « de la pierraille brûlante du passé proche et de l'irrespirable présent ». Et Dorothée Werner complète, elle dit « les revenants ne sont jamais les bienvenus, personne ne veut savoir jusqu'où ils sont allés, encore moins entendre ce qu'ils n'auraient pas dû savoir des hommes ». Cette question du retour impossible, du retour truffé de pièges alors qu'on était sûr d'avoir déjoué le pire, en fait elle hante la littérature du retour des camps. Pourquoi ? Mais parce qu'en fait la normalité prend le relais de la prison. La normalité impose le silence et l'incrédulité. Or, pour nombre de rescapés, eh bien, le silence et l'incrédulité, c'est souvent le coup de grâce. Heureusement, Germaine Tillon et Anis Postel-Vinet ont choisi le mot, la voix, et ça les a sauvés. C'est pour ça que ces deux textes sont très beaux et très importants, parce qu'au fond, la littérature, elle rend la parole aux muets. Je vous redonne les références. « Vivre » de Anis Postel-Vinet est paru chez Grasset et « Coury » de Dorothée Werner est paru chez Jean-Claude Lattès. Germaine Tillon qui entrera au Panthéon le 27 mai. Oui, très bonne nouvelle. Ouais, ils sont 4 résistants et il y a une très belle exposition au Panthéon pour lequel André Manoukian notamment donne son avis. Voilà, je vous le dis parce que je le sais. Ils ont demandé à plein de gens de donner leur avis pour des vidéos, pour parler de la résistance. Mais il va rentrer au Panthéon, Alors, non, pas lui. Probablement que c'est un premier pas. Ah, mais... Merci Clara Dupont-Mono, avec la collaboration d'Alex Vizorek. Nous sommes toujours en compagnie de Jean-François Bernardini. Karim Ouvrini sort son dernier album Il Victa. Vous êtes aussi en tournée dans toute la Corse et puis dans toute la France. Et on va aborder avec vous le troisième sujet de cette émission. Les 128 musiciens du Philharmonique de Berlin choisissent eux-mêmes leur chef d'orchestre. Alors qu'en France, non seulement ils ne choisissent pas, mais en plus ils l'apprennent généralement le nom par la presse. Et donc dans ces cas-là, voilà ce qui arrive. Ben voilà. Écoutez, j'ai une conception personnelle de l'ouvrage. Je n'ai pas assez pris une page, je n'ai pas assez orgueilleux, de l'orgueil, mon sang. Bon sang. Enfin, c'est de la bouillie, tout ça. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors reprenons. On dit 7. Hop. Alors. Voilà. Ça marche toujours. C'est la grande vadrouille. C'est le sujet. Je croyais que c'était Nicolas Sarkozy. On prend toujours les deux. C'est le sujet musical du moment. C'est un article paru dans le Figaro aujourd'hui. C'est l'événement musical, outre bien sûr la sortie de votre album Imouvrini, ou outre le quatrième de couverture de Libé aujourd'hui sur Kenji Girac, le chanteur de The Voice, qui a son portrait quand même en quatrième de couve de Libé quand même. Alors, il y a une démocratie interne. C'est le plus grand orchestre au monde, en fait, celui d'Herbert von Karajan, évidemment. Et puis là, il y a une démocratie interne, choisir le chef pour inverser les rapports de force. Rappelez toujours que le chef est sous le contrôle des musiciens. C'est le bon ordre des choses. Ça donne un peu un supplément d'âme, vous pensez, à une formation. Si c'est proportionnel au talent, à l'écoute, à la vision, à l'autorité, au sens noble du terme, quoi. Il n'y a pas besoin de taper fort sur la table, mais en même temps, la démocratie, c'est le plus difficile, mais c'est le moins mauvais, quoi. Donc, on a envie de dire, bon, pas si mal, quoi, mais... Et ça vous fait pas tomber, vous pensez, dans une forme de... pas clientélisme, mais si du coup... Oui, parce que Est-ce que le clientélisme, c'est pas aussi d'apprendre justement par la presse qu'un tel a été nommé et que lui, il a trouvé la méthode française. Voilà, il a le bras un peu plus long. C'est ce qui est écrit dans l'article. Hein. À la limite, c'est pas... Non, je trouve et que moi, ça tout peut... ce que dit le Figaro, vous savez... attendez, quand même... Comparé au foot, il n'y a aucun club mauvais. Où ce sont les joueurs qui choisissent leur entraîneur. Au sein d'Imouvrini, il y a des débats démocratiques pour choisir les choses. Moi, je crois que dans un groupe musical et dans un orchestre, l'énergie, c'est la confiance. Parce que vous ne pouvez pas être sur scène avec des gens et ne pas avoir le réseau de la confiance. Donc si le chef d'orchestre, qui doit être le premier guide de montagne, il ne veut pas arriver en haut tout seul au sommet. Il doit amener tout le monde. Oui. C'est ça, un chef d'orchestre. Donc, je crois que c'est ça. Donc, s'il n'y a pas la confiance vraiment dans un concert, etc., ça peut pas marcher, quoi. Si c'est l'autorité, si c'est le pot de vin, le truc, ça tient pas longtemps. Mais la confiance, elle est pas forcément indexée à la façon de nommer. Non. Non, mais voilà, est-ce qu'il y a une meilleure façon que celle-là ? Là est la question. Est-ce qu'il y a une meilleure méthode ? Et est-ce que le joueur de triangle a le même poids que le premier violon dans l'élection ? C'est quand même intéressant. En tout cas, ça a permis de... Moi, en tant que Corse, j'aurais demandé à faire voter les anciens musiciens. Ah, comme ça, on avait des listes à part, vous voyez ce que je veux dire. Pas mal. Et ça m'aurait permis d'avoir un petit traversin de voix, là, un petit réservoir. Vous avez raison. Et donc, je vous explique le principe, c'est que Tibéri, qui est corse aussi. Ils n'ont toujours pas trouvé leur chef d'orchestre, hein, parce que, voilà, ils n'ont pas réussi à les lire, donc le vote est reporté. C'est un petit peu comme la fumée blanche et les cardinaux, c'est exactement Belle la démocratie, il n'y a pas de patron. Ça prend du temps, la démocratie, et de l'investissement et du temps, évidemment. Et alors, par exemple, le programme, la tournée ou les enregistrements, rien se décide donc sans l'avis des musiciens, et ça a permis d'élargir le répertoire notamment. On apprend la responsabilité quand il n'y a pas le chef. Faisons pareil à Radio France. Il faut vous inscrire comme réserviste de l'éducation nationale, Jean-François Bernardini. Il y a deux orchestres ici, peut-être l'un vote pour le chef de l'autre. C'est une solution, on ne sait jamais. Tiens, si on refaisait un petit tour du côté de l'information qui change le monde. I promise you. You are. We must do that because you are there and you wait for that. I don't understand. News au kilo. Do what we want to do. Thank you. Et on commence par une vraie spécialiste de littérature, hein, pas comme Nicolas Sarkozy, non. C'est Fleur Pellerin. Oui. Elle veut supprimer, elle veut supprimer les subventions indirectes à la presse People. Et ça, c'est un scandale. Oui, c'est un scandale d'apprendre que la presse People est subventionnée. En fait, ils ont des réductions sur leurs envois. Les frais d'envoi. Les frais d'envoi, voilà, c'est ça qui monte quand même à 533 221 euros par an. Et ça, c'est pour Closer uniquement. Et donc, il est vraiment pas rancunier, Hollande. Hein. Il donne du pognon pour qu'on le dénonce. C'est vrai, mais bon, c'est vrai. Voilà, mais qui va nous dire après pour Julie Gayet ou pour Florian Philippot ? Je sais, c'est un coup de poignard dans le journalisme d'investigation. Bon, passons à quelque chose de joyeux. Oui, un anniversaire. Oui, exemple. C'est celui d'une phrase qui nous tient tellement à cœur. C'est un twitto qui me l'a rappelé. Cela fait 10 ans, jour pour jour, qu'on a entendu ça. Win the yes, need the no to win, again the no. Voilà, et donc si parmi nos auditeurs nous avons un Champollion 2.0 qui pourrait nous traduire l'exactitude de ça, ça nous ferait bien plaisir. Et on termine par une info people. Mais vous êtes folle ou quoi? Je viens de vous dire qu'on n'aurait plus de subvention si on parle people. Ça va pas, on est subventionné, on va le rester. Ah oui, c'est vrai, vous avez raison. Jean-François Bernardini, où est-ce que vous avez mis les pieds? Merci d'avoir passé tout ce temps avec nous. Alors finalement, le rire, vous dites dans votre Dico Corse, parce que je rappelle, vous avez publié un Dico Corse aux éditions AGFB, où j'ai noté que vous dites, par exemple, vous parlez des accents, la lettre A évidemment, les accents ne peuvent servir qu'à faire des gags et des vulgaires caricatures à la TV ou à la radio. Oh, ça, et nous en sommes le bon accent. Mais vous dites aussi du rire que c'est l'oxygène. Mais j'ai cité aussi Staline qui dit un peuple heureux n'a pas besoin d'humour. Oh là là, mais vous êtes on trop fort. On salue Staline. Vous êtes toujours des bonnes citations, Joseph. Et Mouvrini qui cite Staline et le poème tant aimé par Nelson Mandela qui a guidé sa vie. C'est donc, les deux extrêmes. Exactement. Et donc, c'est le titre de votre album, Invicta, tiré donc d'Invictus, bien sûr. Mouvrini, vous êtes donc en tournée en Corse cet été et puis dans toute la France. Vous serez au mois de janvier à Grenoble. En Corse, dans toute la France. Non, dans toute la France, dans la Corse. C'est vrai. C'est pas neutre, ça, Charles. C'est vrai, vous avez raison. En Corse, mais aussi dans le monde civilisé, puisque vous êtes. C'est vrai. Et voilà, on va pas pouvoir aller là-bas. Et voilà. C'est Guillaume Meurice qui a dit ça. Merci Jean-François Bernardini. Allez, le mot de la fin aux réservistes de l'éducation nationale de France avec la Corse dedans. Le gendarme, c'est l'ordre. L'ordre, c'est toujours impopulaire. Voilà, garde à vous.